Et pendant tout ce temps-là, on parle de météo, puis on parle de fleurs. Mais faut toujours bien trouver le moyen de vivre ensemble. Vivre ensemble. Together. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, les Pakistanais, les Chinois et les Iraniens. Salut Marc Lebuis. Un très haut placé, un attaché des affaires culturelles du gouvernement iranien, ou à place de dire gouvernement iranien, de la République islamique iranienne, qui est basé à Ottawa. Un attaché culturel. Il y a eu une entrevue. L'entrevue a été faite en farsi, c'est la langue officielle de l'Iran. Et plusieurs points ont été soulevés, entre autres, parmi les points les plus importants là, pour notre conversation aujourd'hui. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils comptent agir et se servir du multiculturalisme pour s'assurer que les deuxième et troisième générations d'Iraniens qui rentrent au Canada ne s'intègrent pas avec la population en général, avec la culture canadienne en général. Donc, encore, on va répéter ici pour les gens qui sont sensibles, ça inclut le Québec. La deuxième chose qui est le point important, donc ils ne veulent pas que les gens s'intègrent. La deuxième chose, c'est qu'ils comptent se servir, entre autres, du multiculturalisme pour faire avancer, pour utiliser des programmes culturels, pour être capables d'aller influencer encore une fois, les deuxième et troisième générations. Pour les influencer, pour faire avancer leur propagande. Les deuxième, troisième génération, Marc, pourquoi? Parce que leur but, c'est d'attaquer les États-Unis et un Iranien né en Iran, mais ayant un passeport canadien, c'est toujours plus rock'n'roll de passer aux douanes, mais c'est plus facile, selon eux, et ils ont raison de le penser aussi, peut-on présumer, plus facile pour les deuxième, troisième génération, un Iranien qui est né à Sainte-Foy, par exemple, il est canadien de naissance, de passer aux douanes. C'est pour ça qu'ils veulent endoctriner ces jeunes-là pour qu'ils aillent attaquer les États-Unis en passant par la route, bien souvent. C'est ce qu'on raconte. Exactement. Est-ce qu'il est totalement déraisonnable d'avoir des soupçons sur Amir Kadir? Je veux pas aller là. Sauf que ce que je peux dire, c'est que en le 3 mars 2009, Lisiane Gagnon a publié une chronique. Elle a écrit une chronique qui a été publiée dans la presse. Puis il y avait une conférence de Québec solidaire. Québec solidaire devait se rencontrer un peu après les élections de 2008, de décembre 2008. Donc, oui. Au mois de mars, ils devaient se rencontrer. 150 délégués de Québec de solidaire qui étaient là pour parler, entre autres, de comment ils étaient pour dealer avec la nouvelle situation avec un nouvel élu à l'Assemblée nationale. Et Amir Kadir était absent. Et Amir Kadir, il a préféré se rendre, alors que c'était quand même une conférence assez importante, il a préféré se rendre à Toronto pour rencontrer l'Association des étudiants iraniens qui tenait une rencontre, et je cite, puis c'est entre guillemets que Lisiane Gagnon l'inscrit, « l'état actuel de la communauté iranienne dans la société multiculturelle canadienne ». Et là, pourquoi faut vraiment souligner l'état actuel de la communauté iranienne dans la société multiculturelle canadienne? Un, on parle d'une association étudiante iranienne. On entend parler depuis la semaine dernière que le gouvernement iranien compte utiliser des associations culturelles, compte utiliser le multiculturalisme pour faire avancer son agenda, ses intérêts et faire du recrutement au sein de la communauté. Est-ce que Amir Kadir est lié à tout ça? C'est pas ça que ça dit. Non, je suis pas en train de dire ça. Sauf non. Que son nom a été souligné. Oui. Parce que son y a nom des gens qui ont dit, peut-être Amir Kadir est de notre part, peut-être qu'il aime bien notre pays, peut-être qu'il aime bien ce qu'on représente. Ils ont tenté de l'avertir et de dire, écoutez, il y a des gens qui opèrent au nom du gouvernement à l'intérieur de plusieurs institutions, sont haut placés, il faut faire quelque chose. Puis ça semble que probablement que Amir Kadir, pareil comme certains des ministres puis des représentants politiciens, n'ont pas réagi.